Hola, bienvenidos a todos. Hola Gustavo, bienvenidos a todos en la página Música Afro Caribe Original. Soy Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Vamos. Baba, c'est Maïnessi. Hola, Baba, c'est Jamil. Mapadé. Isette Suarez. Oh, Baba, c'est Maïnessi. Baba, hola, c'est Santiago. Mapadé. Et si à Maïnessi, les voyez, mon maçon à Molin, Baba, oh. N'y a pas de soignant, n'y a pas de flègnant. Baba, faut que c'est Maïnessi. Oh, Baba, c'est Maïnessi. Baba, c'est Mapadé. Baba, c'est Maïnessi, Baba, c'est ma pâte. Et c'est à Maïnessi, les voyez, mon maçon à mon lèvre, Baba. N'y a pas de soignant, n'y a pas de plaignant. Baba, pour que c'est Maïnessi. Oh, Baba, ma blâme a mis ce qu'il est, et c'est à mon dalle. Oh, Baba, ma blâme a mis ce qu'il est, et c'est à Claudia. Si à Maïnessi, les voyez mon maçon à mon lèvre, Baba. A cet éléo, à ce qu'est Bodio, pour que mon matao. Oh Baba, madame a mis ce qu'il est, et si à mon dalle. Hola Alberto, Alberto Carlos. Madame a mis ce qu'il est, et si à Maïnessi, les voyez mon maçon à mon lèvre, Baba. A cet éléo, à ce que vous dites, pour que mon matao. Voilà Manuel. Musique afro-caribé originale, siempre numéro uno. What's up, Hugo? You good, homie? Oh Baba, Baba, c'est à ma musique qu'il est, et c'est à mon dalle. Oh Baba, ma blâme à musique qu'il est, et c'est à ma inésile. Et c'est à ma inésile, voyez mon maçon à mon lèvre. Alberto Carlos. A cet éneo, a cet diabolio. Hola Manuel, Manuel Cassiani. Good, good, good, good DJ. Special shout out to Venezuela. Baba c'est ma pâte, Baba c'est ma yroge. Hola Venezuela. Le lambo. Sélection spéciale 45 tours. Baba pour qu'il est. Gagnonne n'y a bon mot sasso. Baba. Et c'est ma yroge l'éva. Baba. Pablo Leva, Baba, ese a Maynesi Leva, Baba, Nicolás Solís, ese a Mapadre Leva, como ya mozo es, mazo a momen, Baba Coquile, Coquile, Coquile, Coquile, Baba Coquile, Baba Coquile, Baba Coquile, año de yo vamos a sonar y Baba, Baba Coquile, año de yo vamos a sonar y Baba, Baba Coquile. Come on, Manuel, of course not. I'm not the best. I'm just one guy. Just one DJ. You are very good too. I love the show. Papa coquin coquin, papa coquin, papa coquin coquin, papa coquin,

là, Diego. Nebra, M. Swiffer. Ya ya chingi nyaragoro. gita ya chingi nyagoro kayuji penji supanya gisara kidugi meodi kayuji penji supanya gisara kidugi meodi ajibogi Let's roll over. Yeah. nara tamwendwa uria wameragawe atione kikwa muire tutuke urakoro guria kaire utagia na bata na madhibitare Kwa matire muhitire tondu wonire akwa ya uo kama nguru kitiga Ukione alegano uti ugachari edubea Nikuwa taona mwendo wa kwa tondu ya gitanguo Weno ni akwa nidarega mwile tuwe titike sabuti me yaye Chikaringiwa, chikatoka Chikaringiwa, chikatoka mutine Chande tumwabo kericororo kamwibera kibesera bwete kabisa mutime murangwa chande tumwabo kericororo kamwibera kibesera bwete kabisa mutime mwese ko itobotera konyo ibire kisiziteni chilingi 200 chigato ko muvuko gekuba akaberwae ngwa chande tumwabo kericororo murangwa chande tumwabo Kerichororo kamwibera kibesera bwete kabisa butine murangwa chande tumwabo Kerichororo kamwibera kibesera bwete kabisa butime Utiga tyoka jinsuse nyumba igikaba sokya ngucha amakene karaya kayari butisi beliwe ichiga tokaime ngwa chande tumwabo Kerichororo murangwa chande tumwabo Kerichororo kamwibera kibesera bwete kabisa butine murangwa chande tumwabo Kerichororo kamwibera kibesera bwete kabisa butine bantu kimali yosingi mana bande kuruje pauni na bande kurwa kerenga na bande kurwa bruk bagacha gusungirira kikabanga kyakaruyo rangu wazinali lisonga kirinde baba ye wacha kuiba ndocha maiso gara marau yena maino munna mandegere ye dukimo tuhose te byere kinyenje nenza kwa etiko bako nenswe nda kwa etikuru burunga kyokali kini tata kone mbuti ya kolire mangana ngwa chande tumwabo kilichorogoro ngwa chande tumwabo kilichorogoro kamwibera kibesera bwete kabisa butine murangwa chande tumwabo kilichorogoro kamwibera kibesera bwete kabisa butine Ngaigo bono mwise koiga akore teke beke nene mono Ujiba gungu wanya koiba Kilie kurunga sakara lego Sakara lego Sakara lego Bas Angalia ndani ya buti Salut Carolina. Bossio. Bossio. Yeah. na shaka, ni lazima tutafunga ndoa. Nimechoka kuibiwa na kina dada wa kisasa, wenye mapenzi ya kipunda na maneno matamu sana. Thank you. Kumbia et Soirée de Bailar. Achète-moi beaucoup de choses, tu t'en vas au marché, achète-moi beaucoup de choses. Cher papa, cher maman, cher papa, cher maman, tu t'en vas au marché, achète-moi beaucoup de choses, tu t'en vas au marché, achète-moi beaucoup de choses. Chère maman, cher papa, chère maman, tu t'en vas au marché, achète-moi beaucoup de choses. Tu t'en vas au marché, achète-moi beaucoup de choses. Joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo, joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo, joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo, joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo, joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo, joli lo, dromi warolo, joli lo, dromi sabalo. Thank you. Hosa. Mama ku mama sa mama kumukusa mama ku mama sa mama kumukusa mama ku mama sa mama kumukusa mama ku mama sa mama mama kusa. Amati, yo coro de muere.

so bon no pibo ai me yo me nai tanta jeludu du e wo me na e osodia nai che o wi je so bon no kebo adu taragwe nai tanta jeludu du e wo me na e osodia nai che o wi je so bon no pibo ai me yo me nai tanta jeludu du e wo me na e osodia si we nye no pe bi o kakabo anyi me hobo solio si we nye ro yo po kakabo suda hobo solio me wa nka mo pere bo me ho wa do pe ti ko de ko wede akota mo pere bo e wa bo ni yo na je de pon pere eni yo mo kure yo wi no po no je na no do na bo pe bo wa mo mer si de yo wi no po no je na no do na bo pe bo pe pe ni we we lo no bo wa no fi bo da di pe to bo ko Pere we we lo do lo bono ke bo da di di pe pe de o ma u kana bolo tana bo we na no fi bo da di pe jo boku si ya na e tana je lo do nu e o me na e asadia na e che o wi je so bon no fi bo ai me jo me na e tana je lo do nu e o me na e asadia Nai che o wi je so bon du ke bo arutaragwe Nai janda je lulu nu e o me na e asania Revolution Africa Betunga Neole Force Africa sowa uhuhu Africa bentunga neole Force Africa sowa uhuhu Ufonde ya nobio canción. Portez-y bien. Nimependa na mpenzi wangu kwa siku nyingi. Musique afro-caribé originale. Elle est magnifique. Siempre numéro uno. Siempre numéro uno. Marquito. My boy, my friend. Hermano.